Cette route est identifiée administrativement comme étant la nationale numéro 145 ou la N145, et j'y ai accès par l'entrée numéro 40. Comme ces panneaux le précisent, par cette route express, je pourrais rejoindre l'autoroute A71 et les villes de Vichy et Clermont. Je sais aussi qu'une partie de l'itinéraire pour rejoindre ces villes pourra se faire par l'autoroute. Réponse A, C et D.